Bonjour Gérald. Bonjour. Bon, il paraît que les mouvements s'épuisent, que ça va s'arrêter, tout ça. Tu en penses quoi ? Non, ce qui est sûr, c'est que c'est forcément compliqué dans le secteur de cheminots, hein, 42 jours de grève. Mais il y a un noyau quand même qui résiste et qui continue la reconductible chez les cheminots. Et puis il y en a d'autres, c'est clair, qu'on repris des fois le vendredi, des fois le lundi, mais qui seront demain, qui seront de nouveau demain dans la grève. Bon, non, ce qu'on voit là. La trêve Noël jour de l'an, ça n'a pas été simple, mais ça a été maintenu. Et ce qu'on voit là, et c'est plutôt très encourageant depuis la semaine dernière, c'est la reprise effectivement de la grève dans le secteur de l'éducation nationale. Donc c'est pareil, avec des reconductions qui sont minoritaires, mais une volonté de multiplier les AG, les actions. Mais c'est pareil dans d'autres secteurs, secteur de chimie, du pétrole, de l'énergie. Hein, là, bon, on est à Rouen, donc on voit bien que les ports et docks, c'est pas arrivé depuis très longtemps hein, qu'ils fassent autant de jours de grève. Donc là, c'est 72 heures cette semaine, et donc 72 heures sans aucun mouvement de navire, aucun chargement et déchargement. Pareil sur le port du Havre. Donc là, évidemment, tout le monde n'a pas démarré avec la même vitesse. Hein, ça, c'est le 5 décembre, c'est préparé très tôt. Évidemment, d'abord à la RATP un peu plus tard, mais ensuite à la SNCF. D'autres secteurs, ça met plus de temps. Mais voilà, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, y compris dans la manif d'hier, c'est des secteurs où on est en train d'essayer de faire bouger. Y compris le commerce, c'est pas évident. Mais il y a des endroits où il y a des envies de faire des actions dans le commerce. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est la confiance. C'est vrai qu'on s'est pris des défaites, on ne va pas remonter à la nuit des temps, mais 2003, 2010, 2016 sur les lois El Khomri, les ordonnances Macron, on s'est pris une défaite, mais on n'a pas vraiment combattu. Hein, là, on est dans une bagarre. Au début, par exemple, quand on discute avec des camarades à 132 secteurs, au début, ils trouvaient que c'était juste de faire la grève. Hein, mais ils pensaient que c'était bien de faire la grève pour ne pas se laisser complètement... matraqué, je vais dire, d'un point de vue social par le gouvernement et sa politique, mais en ne croyant pas qu'on pouvait totalement faire reculer le gouvernement. Et aujourd'hui, cette conscience de notre force, des secteurs en lutte, ça y est, il y a un certain nombre de camarades, de salariés qui disent cette fois on peut gagner quoi. Bon, donc ça met du temps, c'est beaucoup de discussions, de convictions, de dire que le truc n'est pas mort. On le voit, tu as des gens qui nous soutiennent, qui ne sont pas encore en grève, qui viennent le samedi, qui versent dans les collectes. Il faudra qu'ils soient plus acteurs de la grève avec leurs collègues de travail, leurs voisins. Mais aujourd'hui, voilà, rien n'est perdu. Au contraire, même si pour le secteur des cheminots, c'est très compliqué comme à l'RATP, ailleurs, on est encore dans certains secteurs, dans la pente ascendante. Toi, je précise que tu es CGT, tu es représentant CGT pour Rouen. Ouais, je suis un responsable de l'Union départementale, mais je suis aussi fonctionnaire, je suis inspecteur du travail. Par exemple, chez nous, à la directe, on a des beaux taux de grévistes sur ce que les médias appellent les temps forts. On n'arrive pas à partir en reconductible, hein. Pareil avec nos collègues des impôts, de l'équipement. Parce que les collègues, sur les temps forts, ça leur paraît évident qu'il faut être là. Le projet de Macron, mais comme le projet d'Hollande, hein, c'est pour nous, c'est un cumul entre évidemment les retraites, mais la casse des services publics, les réformes à répétition, les sous-effectifs avec des conditions de travail désastreuses. Donc c'est aussi pour ça que les collègues sont en grève. Bon. Pour autant, pour l'instant, l'histoire de la reconductible, ça ne prend pas. Alors, y compris ce qui est plus difficile pour une série de fonctionnaires, c'est que voilà, le côté blocage de l'économie est moins palpable, mais on ne désespère pas. C'est pas parce qu'on essaye une fois, deux fois que ça prend pas, qu'il faut pas essayer, qu'il faut pas continuer. Donc nous, on continue ce travail-là. On alterne les manifestations, quand même deux, trois fois par semaine, avec des opérations de blocage, comme ce matin, des activités le soir. On est aussi dans le... C'est d'organiser un deuxième concert de soutien, ce qui est aussi à un moment donné convivial pour qu'on se retrouve avec les familles et tout ça. Mais aussi, on continue les assemblées générales, le tour des bureaux, les discussions avec les collègues. Ça prend beaucoup de temps, mais on continue à décrypter. Hein, en face, y a quand même un gouvernement avec des grands médias qui en même temps nous font croire qu'on est sur le recul de l'âge pivot. Et de l'autre côté, dans la loi, comme l'a dit Edouard Philippe hier, Hein, alors maintenant, c'est plus l'âge de l'équilibre, c'est l'âge de référence, c'est pareil, quoi. Bon. Donc il y a une grosse entourloupe, et donc c'est vrai qu'il y a un gros boulot derrière, mais y compris pour montrer qu'il y a des richesses dans le pays, quoi. Hein, c'est vrai qu'il y a que le 440, mais il n'y a pas tout ça. Aujourd'hui, la productivité, elle est énorme. Et donc, c'est bien évidemment, les patrons doivent payer plus de cotisations pour l'assurance maladie, pour l'assurance retraite. Hein, et il y a des moyens dans le pays, quoi. Aujourd'hui, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Et cette bagarre sur la question des retraites, effectivement, c'est un symbole, parce que on voit bien que c'est système contre système. Le système de l'ultralibéralisme, avec de plus en plus de millionnaires sur la planète, et de l'autre côté, un appauvrissement un peu partout sur la planète, et y compris en France, avec une précarité galopante, et y compris ce qu'on nous dit, l'allongement de l'âge de la retraite, aujourd'hui, notamment dans le secteur privé. Il y a des salariés qui sont licenciés avant 60 ans, parce que les conditions de travail ne permettent pas, en fonction de l'état de santé, de les maintenir. Je donne juste un chiffre, hein, c'est assez peu connu. En Normandie, c'est un chiffre de l'administration, donc c'est du sérieux. Hein. Il y a 7000 salariés qui sont inaptes tous les ans à leur poste de travail, parce que les patrons ne veulent pas aménager des postes, parce que ça coûte cher, parce que, bah oui, on a du mal à lever le bras, on ne suit pas les cadences, ou on est un peu cassé du dos un peu de partout. Et aujourd'hui, ces salariés-là, voilà, ça, c'est des choses qui sont complètement scandaleuses. Dire à nos anciens, travailler plus longtemps, alors qu'on les vire d'ailleurs, et du coup, si on les fait travailler plus longtemps, ça va empêcher nos jeunes d'arriver sur le marché du travail. Bon, un lycéen de 15 ans, il est capable de comprendre ça. Et donc la société qu'on nous réserve, hein, c'est pas vraiment de faire travailler les plus longtemps, c'est d'allonger l'âge de départ à la retraite pour justement avoir un système de malus, et c'est-à-dire des grosses décotes, parce que les gens seront virés avant, aujourd'hui ils sont virés avant 60 ans, ils seront virés avant 64, 65, 66, pour une grande majorité. Et donc on va avoir un appauvrissement effectivement très important du niveau des pensions. Et à l'inspection du travail, il y a aussi beaucoup de motifs de lutte, parce que l'inspection du travail s'est vue privée d'un certain nombre de moyens dans les dernières années. Oui, alors c'est vrai que depuis 2014, il y a une succession de réformes. On est globalement sur, en termes d'effectifs de contrôle du champ généraliste, on est pratiquement moins 20%. Ils nous annoncent encore des baisses d'effectifs. Et en même temps, dès qu'il y a un problème, on va dire aux collègues, qu'est-ce que vous avez fait dans telle ou telle boîte, quoi. Hein, on le voit bien que, voilà, à Rouen, on est très marqué par l'incendie de Lubrizol. C'est clair qu'aujourd'hui, les moyens de l'inspection du travail, comme ceux des installations classées, on n'est pas assez nombreux. Hein, il y a aujourd'hui un inspecteur du travail pour 1000 entreprises. Bon. Il y a des problèmes partout. Hein, il y a des problèmes dans la boulangerie du coin avec les apprentis. Il y a des problèmes, comme on l'a vu avant-hier à Dieppe, avec un apprenti mort écrasé dans une ferme. Donc il faut en même temps être dans les toutes petites boîtes. Il y a plein de problèmes. Et il y a des problèmes aussi dans les grandes multinationales, que ce soit à Lubrizol, à Renault, à Total, dans le nucléaire. À Kimberly-Clark, à Sotteville, la semaine dernière, il y a un ouvrier qui a été très grièvement blessé. Voilà, le 2 janvier, en plus c'est un camarade, un salarié de Kimberly-Clark travaillait sur une ligne de production tout seul, une ligne de production extrêmement dangereuse, hein, sur laquelle il y a déjà eu des accidents, et on leur demande de faire des réglages machine en route. Et donc il a été happé par la machine, il est entre la vie et la mort. L'autre jour, on discutait un petit peu après la manif, là où on a eu une interpellation à Rouen, alors que c'est la police qui a foutu le bordel dans la manif, avec une garde à vue. Bon, les patrons, ils sont jamais en garde à vue, hein. Ni les patrons de Lubrizol, ni les patrons de Kimberly-Clark, ni les patrons de Total quand il y a eu un accident encore mortel cette année, ou à Paluel. Bon, donc on voit bien aussi qu'on est dans un système de justice de classe qui est extrêmement préoccupant, quoi. Donc cette violence, on a une violence sociale, on a une violence policière qu'on voit pas tous les jours à Rouen, mais quand même dans un certain nombre de manifs. Et donc, voilà, le gouvernement préférait que sur France 3, le soir, on ait des images de vitrines cassées, etc. C'est pas notre objectif. On est dans les manifs massives où on peut venir en famille. On est sur des points de blocage où tout se passe bien, sans aucune violence. Notre force, c'est notre nombre. On est plus de 23 millions de salariés dans le pays. En face, ils sont quoi, 20 ministres, hein, une centaine ou 200, 300 gros actionnaires. Donc le rapport de force, il est dans notre côté. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, hein, c'est que les gens de notre classe, les salariés du privé, du public, les précaires, les chômeurs, les jeunes, les retraités, mais y compris les petits artisans et les auto-entrepreneurs, ils prennent confiance dans notre force, hein, la force de la classe ouvrière, contre la grande bourgeoisie. Hein. C'est à peu près les mêmes mots qu'au XIXe siècle, mais c'est une réalité très concrète ici.